Lebon, ñi dal ñaari jigéen la ñoo xam ne nag dañu waroon dem France ndeysaan ñoom ñaar ñëpp kenn déggu ci tubaab nag. Waaye ñu dem aéroport rek daal ne ah fii daal boo fi nekkee di xoole ba ñu xam ne déggulo tubaab dañ lay sax yab. Léegi nag ñu daal di dend, yàlla def nag mosuñu woon xamante avant, ñu daal di dend rek ñu bëgg làng waxtaan ñoom ñaar nag teeg ñoom ñaar ñëpp nag ku nekk yaa ngi bëgg commencé làkk tubaab. Kenn ki xool morom bi ba mu yàgg rek ne ko comment s'appelle keneen ki daal di ne ko s'appelle Fatou mu ne ko ah on a le même s'appelle.